Le château d'Epstein, chapitre 1. Nous sommes en septembre 1789. Le sol européen tremble encore de la chute de la Bastille, et Francfort, ville libre, mais ville où se font les Césars, a en même temps peur et espoir de cette révolution qui gronde. Le château d'Epstein n'a que peur, car son maître, le vieux comte Rodolphe, est tout dévoué à l'empereur, qui s'apprête à nous déclarer la guerre. Pourtant, ce n'était pas seulement les soucis politiques, à coup sûr, qui courbaient son front et desséchaient son âme, le jour où ce récit commence. Dans la grande salle de son château, il était assis, la tête penchée, et à ses côtés se tenait sa femme. D'abondantes larmes coulaient silencieusement sur les joues amaigries de la comtesse. Le comte ne pleurait qu'en dedans. C'étaient deux belles et nobles figures de vieillard. Tous leurs mouvements trahissaient à la fois une dignité profonde et une touchante bonté, et leurs têtes blanches semblaient, pour parler comme Schiller, couronnées de saintes actions. Ils délibéraient gravement et tristement. « Il faut pardonner, » disait la mère. « Le puis-je, » répondait le père, « si personne ne devait nous voir, je tendrai les bras à Conrad et à sa femme. Mais hélas, noblesse oblige, et il y a tant de regards fixés sur nous. Nous devons au monde de sévères exemples, et eussions-nous la mort au cœur, il nous faut mourir debout. J'ai chassé Conrad, Conrad ne reparaîtra plus devant moi. Nous ne l'embrasserons plus, Gertrude. Je comprendrais mieux cette rigueur, reprenait timidement la mère, si Conrad était l'aîné de notre maison, mais celui qui sera le chef des Epstein, après vous, c'est Maximilien. N'importe, dit le comte, Conrad n'en est pas moins un Epstein. Survivra-t-il à votre colère ? Hasarda encore la comtesse. Il nous rejoindra donc plus tôt, là où les pères peuvent toujours embrasser leurs enfants. » Et il se tut, car il avait peur, s'il ajoutait une seule parole, de fondre en larmes comme sa femme. Après un moment de silence, on frappa discrètement à la porte, et un vieux serviteur de la maison, appelé Daniel, entra sur l'invitation du maître. « C'est Monseigneur Maximilien qui demande à son père l'honneur d'un moment d'entretien, » dit Daniel. « Introduisez mon fils, » répondit le comte. « Celui-là, » reprit le vieux Rodolphe avec amertume, quand Daniel fut parti, « celui-là se déshonore dans mon cœur, mais il ne se mésallie pas dans la société. Il se déprave, mais il ne se déplace pas. Il oublie d'être bon, mais il se souvient qu'il est comte. Il reste noble, sinon d'âme, du moins d'apparence. Maximilien est mon digne héritier. » « Conrad n'est que votre digne fils, » dit la comtesse. Et cependant, lorsque Maximilien entra, toutes les empreintes rudes ou fatales de sa physionomie étaient en ce moment non pas effacées, mais adoucies par le puissant effort qu'il s'était imposé à lui-même. Il s'agenouilla devant le comte, baisa sa main et celle de sa mère, et attendit debout et en silence que le vieillard lui adressât la parole. Le comte Maximilien était un homme d'une trentaine d'années à peu près, d'une figure à la fois sombre et altière, de haute taille et d'allure vigoureuse. Il avait d'ordinaire des gestes résolus et impétueux. Sa physionomie, dans les situations habituelles de la vie, exprimait moins l'intelligence que l'audace. Devant lui, l'on se sentait en présence d'une volonté implacable. Et c'est par cette mine déterminée et hautaine qu'il savait imposer à des esprits souvent supérieurs aux siens. Le désir chez cet homme devait se traduire immédiatement en action. On avait peine à soutenir son regard fixe et hardi. On se disait vaguement que peu d'obstacles devaient tenir contre sa colère, et que, peut-être lui-même, ne saurait pas contenir au besoin sa violente nature. Le comte Maximilien, nous l'avons dit, pouvait avoir 30 ans. Mais déjà, des rides précoces sillonnaient son visage où les soucis de l'ambition avaient laissé leur dévorante empreinte. Le comte avait un de ces fronts allemands larges, mais qui sonnent le creux, pleins qu'ils sont d'orgueil, bien plutôt que de génie. Son nez recourbé et ses lèvres minces ne contribuaient pas peu à lui donner cet aspect dominateur qui frappait d'abord. Le pli de son sourcil, et il le fronçait souvent, était terrible. En même temps, son sourire, et il ne souriait guère, était le sourire obséquieux, faux et avide du courtisan. Sa taille haute et droite savait effectivement se plier devant le maître. En somme, dans son extérieur comme dans son âme, de l'audace mais pas de grandeur, de la froideur mais pas de calme, du dédain mais pas de clémence. Il était ambitieux à la façon du père Joseph et non à celle de Wallenstein, et l'on comprenait au premier coup d'œil qu'il devait se venger de son humilité envers les grands par sa hauteur envers les petits. « Avant de vous entendre, mon fils, dit gravement Rodolphe, j'ai à vous reprocher un nouveau grief. Tant que vous avez été jeune, nous avons usé d'indulgence en mettant vos méfaits sur le compte de votre âge. Mais vous avancez dans la vie, Maximilien. Si Dieu vous a retiré votre femme, il vous a laissé votre fils. Maximilien, vous êtes père. De plus, dans quelques jours, je le sens à ma faiblesse, vous deviendrez seigneur et maître de tous nos domaines et seul représentant de tous nos aïeux. N'est-il pas temps de vous préparer sérieusement à votre destinée et de veiller désormais sur votre conduite qui a causé tant de scandales dans le pays, tant de douleurs dans le château ? Mon père, répondit Maximilien, votre bonté a toujours un peu trop écouté, ce me semble, les plaintes des manants. Je suis gentilhomme, j'aime le plaisir, et les jeux du lion ne sont pas ceux de l'agneau, mais je n'ai jamais dérogé que je sache. Pour l'honneur de mon nom, je me suis battu 3 fois. Quant au reste, je n'ai pas la conscience étroite, c'est vrai. Quel nouveau délit ai-je donc commis, de grâce ? Mes piqueurs ont-ils encore dévasté un champ de blé ? Mes chiens se seraient-ils permis, par hasard, d'étrangler l'allée du voisin ? Mon cheval aurait-il écrasé un paysan par mégarde ? Mon fils, vous avez déshonoré la fille du bailli d'Alpenig. Hélas, c'est vrai, reprit avec un soupir Maximilien. Mais mon noble père devrait ne pas voir ces sortes de choses. Ne sait-il pas bien que, comme Conrad, mon frère, je ne me dégraderai jamais au point d'épouser une fille du peuple ? « Oh, je n'ai pas cette crainte, sans doute, » interrompit le vieillard avec une triste ironie. « Eh bien, » continua Maximilien, « que redoute monseigneur ?»« Le scandale, comme il disait tout à l'heure ? Hélas, il peut encore se rassurer sur ce point. Un affreux malheur est arrivé. La pauvre Gretchen se promenait seule hier sur les bords du Maine. Elle aura voulu, je le suppose, cueillir quelques roses sauvages, quelques pervenches ou quelques myosotis. Le pied lui aura glissé et le fleuve l'a entraîné. Bref, on n'a retrouvé son corps que ce matin. Je suis au désespoir de cette mort si inattendue. J'aimais beaucoup Gretchen et, pardonnez-le-moi, mon père, je l'ai pleurée. Mais votre seigneurie voit qu'elle peut être tranquille sur les suites de ma folie. En effet, dit le comte, stupéfait devant cette insouciante douleur, devant cette égoïste étourderie qui croyait à un accident plutôt qu'à un crime, et ne voyait à accuser dans tout cela que le hasard. La mère releva les mains et les yeux au ciel, demandant sans doute pardon à Dieu et à Gretchen pour son fils qui ne savait ce qu'il faisait. Après une pause, le comte reprit. « Vous avez à me parler, mon fils ?»« Oui, mon père, j'ai une grâce à vous demander. Non pour moi, qui ai tâché de ne jamais encourir votre colère, mais pour mon frère Conrad, qui, s'il est coupable, et bien malheureux. Allez, monseigneur. » C'est bien, c'est d'un bon frère ce que vous faites là, Maximilien, s'écria avec émotion la comtesse, heureuse de trouver une fois son fils généreusement aspiré. Oui, ma mère, poursuivit Maximilien, vous le savez, j'aime Conrad. Âme faible, mais excellente, il m'a de tout temps cédé comme à son maître, et je n'ai jamais eu lieu d'être jaloux de cette douce et inoffensive nature qui reconnaît ma supériorité sans conteste. Ce n'est pas sa faute s'il est né pour être professeur de philosophie plutôt que pour porter l'épée. Je sais bien que sa bévue est un peu forte. Épouser secrètement une fille de rien parce qu'il l'aimait, Introduire dans notre famille l'enfant légitime d'une bourgeoise, au lieu de l'enrichir tout simplement d'un bâtard, c'est une niaiserie dont je conviens avec vous. Mais erreur n'est pas crime. La petite Noémie est fort jolie, et elle aura ensorcelé le Candide Conrad, dont elle était le premier amour. Après tout, mon père, la chose est moins grave que si j'avais commis, moi, la même sottise, moi, l'aîné et le chef des Epstein. Je sais bien que l'empereur s'irritera s'il vous voit accepter paternellement une telle mésalliance. Mais j'irai à Vienne et je l'apaiserai. Nous lui transformerons Gaspard, le garde-chasse, père de Noémie, en un vieux militaire. Avec le temps, on oubliera cette histoire. Ce n'est qu'à moi que votre indulgence ferait tort, n'est-ce pas, mon père? À moi qui dois vous succéder dans vos titres et dans la faveur de la cour. Eh bien, par amitié pour ce bon Conrad, j'en subirai les conséquences. À force de zèle, je réparerai cet échec porté à notre crédit et je regagnerai les bonnes grâces de l'empereur. Soyez tranquille. Ainsi, je vous en conjure, monseigneur, n'exilez pas en France, comme vous le vouliez faire, Conrad et sa femme. Laissez-le près de vous. Sa vie studieuse et réfléchie fait-elle tant de bruit? Le pauvre garçon est plein de tendresse. Il vous aime tant, ma mère et vous. Il est tellement attaché à ce sol qu'il n'a jamais pu quitter. Un bannissement, ce serait pour lui presque un arrêt de mort, mon père. Vous faites votre devoir, Maximilien, en plaidant la cause de votre frère. Je ferai le mien en vous refusant. Conrad s'obstine absolument à ne pas rompre ce mariage, n'est-ce pas? Je dois convenir que, sur ce point, il est inflexible, monseigneur. Il est même inutile de lui en parler, je crois. Eh bien, si je cédais quand il résiste, toute la noblesse d'Allemagne, solidaire des actes de l'un des siens, me pardonnerait-elle ma faiblesse? Non, sans doute. Mais au moins, consentez à voir Conrad, à l'entendre lui-même, mon père, répondit Maximilien. Impossible, répondit le vieux comte, qui avait peur de sa tendresse. Impossible. Que votre seigneurie me pardonne donc, dit Maximilien, mais j'ai pris sur moi d'inviter mon frère à venir me rejoindre ici. Qu'il ne s'éloigne pas sans voir une dernière fois votre visage. Il est là sans doute. Il vient, le voici. Par grâce, recevez-le, mon père. Monseigneur, dit la comtesse à voix basse à son mari, si je vous ai toujours été une épouse soumise et dévouée, accordez-moi, qui le saura, le suprême bonheur de revoir encore mon enfant. Qu'il soit fait ainsi que vous le voulez, Gertrude, mais que ce soit sans faiblesse, entendez-vous? Le comte Rodolphe fit un signe, Maximilien courut à la porte et l'ouvrit à Conrad, qui vint silencieusement se mettre à genoux, à quelque distance de son père. Les deux frères formaient le contraste le plus complet. Autant Maximilien était fort et résolu, autant Conrad semblait chétif et doux. Le pâle visage de celui-ci, encadré de longs cheveux blonds, animé du feu de ses grands yeux bruns, faisait ressortir avec plus de rudesse les traits anguleux, le teint de bronze et toute la robuste physionomie de Maximilien. Une main de ce dernier eut enserré sans peine les deux mains féminines de Conrad. L'un effrayait presque, l'autre charmait tout de suite. C'était un grand et solennel tableau de famille que celui-là. Le frère aîné, debout, immobile, spectateur assez indifférent et assez calme de cette scène que sa clémence calculée avait préparée. Le jeune frère, un genou en terre, ému, tremblant, mais soutenu par une pensée intérieure qui mettait dans ses yeux autant d'éclairs que de larmes. Le père, le grand seigneur patriarche aux cheveux blancs et à la barbe blanche, assis dans un fauteuil sculpté, plein de majesté au dehors, plein de trouble au dedans, et se forçant à la rigueur pour ne pas se laisser aller à l'attendrissement. Puis, la mère affaissée sur un escabeau, où elle semblait agenouillée, essuyant quelques larmes furtives et regardant tour à tour son époux avec crainte et son fils avec amour. Pour fond, enfin, une antique et sombre boiserie d'où se détachaient presque vivants les portraits des aïeux, témoins et juges. « Parlez, Conrad, » dit le comte Rodolphe. « Monseigneur, » dit Conrad, « il y a 3 ans, j'avais 20 ans et une âme rêveuse est pressée d'aimer. Tandis que mon frère Maximilien, emporté par sa fougue, courait l'Allemagne et la France, je m'étais toujours plu à rester près de vous, près de ma mère, et dans ma sauvagerie, je n'avais pas seulement refusé d'aller à la cour, mais même de fréquenter les châteaux voisins. Je n'avais pas besoin d'un grand horizon à mon bonheur. Seulement, si mes pieds étaient paresseux, ma pensée, je le répète, était active, mon cœur impatient. La seule femme que j'eusse connue, c'était ma mère. Et quand je trouvais sur mon chemin une jeune fille, belle comme elle avait d'une lettre, bonne comme elle l'était, je ne m'informais pas de quel nom de famille cette jeune fille s'appelait. L'amour ne sait que les noms de baptême. Et j'aimais Noémie parce qu'elle était charmante et qu'elle était pure. « Oh, si j'avais été ici, murmura Maximilien, avec quel plaisir j'aurais débarrassé ta Noémie de cette dernière qualité qui t'a si fort séduit, pauvre frère !»« Néanmoins, poursuivit Conrad, comme je ne veux rien avancer qui ne soit vrai, monseigneur, je vous avouerai que je n'ai pas aveuglement cédé tout de suite à cette passion qui m'entraînait. Non, en mesurant la distance qui séparait de moi Noémie, en songeant à votre douleur, j'ai essayé de refouler en moi cet amour. Mais il a jailli plus violent de la contrainte. Une irrésistible puissance m'attirait sans cesse vers la maison de Gaspard. Et un jour, enfin, Noémie vaincue me dit qu'elle m'aimait aussi. « L'ambitieuse fille !» murmura Maximilien. « Que devais-je faire alors ?» reprit Conrad. « La fuir, n'est-ce pas, ma mère ? Je n'étais pas assez fort. » La tromper, dit Maximilien. Je n'étais pas assez lâche. Vous venir trouver, n'est-ce pas, mon père, et vous tout avouer? Je ne l'ai point osé. J'ai épousé secrètement Noémie. Ainsi j'évitais votre courroux, ainsi je m'épargnais la souffrance du moment, et il me semblait que je n'offensais ni Dieu ni les hommes. Je me trompais doublement. Un fils m'est né. Et il m'a fallu choisir entre votre colère, mon père, et le déshonneur de ma femme. J'ai choisi votre colère, qui ne devait accabler que moi, et malgré toutes les tentatives des hommes pour séparer ce que Dieu a réuni, je la choisis encore aujourd'hui, et je la choisirai encore demain. Mais vous voyez, monseigneur, que je trouve votre colère juste, et que je l'avais, hélas, prévue. Ce n'est donc pas pour la détourner de moi que je suis à vos genoux. Seulement, banni de votre présence comme je m'y attendais, je voudrais bien savoir, en partant, que je n'emporte pas votre mépris. « Conrad, répondit le comte, d'une voix sourde et lente, nous sommes, vous et moi, d'une race historique à qui il n'est pas permis de faillir. Le sort nous a placés haut pour que le monde nous voie et que nous donnions l'exemple au monde. C'est peut-être une fatalité, mais il faut la subir, et vous l'avez éludé. Vous vous êtes rendu coupable d'un crime de lèse-noblesse, Conrad. Le vent de révolution qui souffle de France aurait dû pourtant vous avertir de vous tenir ferme. Plus que jamais, nous devons garder nos privilèges quand ils deviennent des dangers. Gentilhomme et père de famille, responsable des actions des miens, il sied que ma sévérité répare votre faiblesse et que le vieillard se redresse là où le jeune homme a chancelé. Partez donc, allez en France, et servez bien le roi Louis XVI. Mes vœux vous suivront. Vous m'avez demandé si je vous méprisais, je vous réponds en me justifiant. Quand votre nourrice vous apporta à moi, Conrad, je vous pris entre mes bras, et, vous élevant au-dessus de ma tête, je vous offris d'abord à Dieu, ensuite à l'empereur, puis à la noblesse d'Allemagne, puis enfin à chacun de mes illustres aïeux. Aujourd'hui que je suis encore sur la terre, c'est aux ancêtres, à la noblesse, à l'empereur que je dois compte de vous, et je vous renie. Demain, là-haut, je me glorifierai peut-être de vous devant le Seigneur. « Mon père, s'écria Conrad, je vous révère et je vous adore. Vous êtes grand, terrible et bon, et vous me rendez fier en m'accablant. Je serai digne de vous, mon Seigneur. Je dois à notre famille une expiation et je m'acquitterai en Epstein. Adieu. » Conrad s'inclina profondément devant son père, sans néanmoins s'approcher de lui. Le vieillard lui fit un geste d'adieu de la main, mais il ne parla pas, car l'émotion le gagnait, et il avait peur d'ouvrir les bras à son fils. Pour la comtesse, elle n'osait même pas regarder Conrad. Elle tenait la tête basse, ses larmes baignaient son vieux visage, et les mains jointes, elle priait. Conrad la salua aussi de loin, mais en dépit de l'étiquette tacitement convenue de cette entrevue dernière, il ne put s'empêcher d'envoyer un baiser de la main à celle dont les flancs l'avaient porté. À cela près, le fier jeune homme se modela sur le comte et resta inébranlable. Le père fut content de son enfant. « Accompagnez votre frère jusqu'au seuil, » dit-il à Maximilien, qui, durant cette étrange et imposante scène, était resté muet et se mordant les lèvres. « Si votre seigneurie me le permet, » reprit l'aîné des Epstein, « je reviendrai lui parler tout à l'heure. »« Je vous attends, » répondit le vieillard. Et les deux frères sortirent, l'un d'eux pour ne plus rentrer. Ce qui se passa entre le père et la mère, lorsque ces deux graves douleurs restèrent face à face, personne ne peut le dire, car Dieu seul vit leurs larmes et entendit les gémissements de leur cœur brisé. Seulement, lorsque Maximilien rentra au bout d'un quart d'heure, les deux vieillards avaient repris leur attitude sereine et leur appareil de puissance paternelle. « Je puis en convenir, monseigneur, » dit Maximilien. « Maintenant que votre arrêt ne peut plus être révoqué, maintenant que j'ai vu partir Conrad avec sa femme et son fils, ce que vous avez fait, vous deviez le faire. »« N'est-ce pas, Maximilien ?» reprit le comte avec un sourire amer. « N'est-ce pas que c'est bien ton avis ?»« Oui, mon père, car l'empereur ne vous eût pas pardonné votre indulgence. Et certes, il eut pour longtemps retirer sa faveur de notre famille. J'ai agi pour l'honneur, et non pas pour les honneurs, dit le comte. Par le temps qui court, mon père, cela se ressemble beaucoup. De quoi aviez-vous à m'entretenir, mon fils ? Interrompit gravement le vieux comte. Voici, mon père, malgré la sagesse de votre sévérité, votre crédit n'en a peut-être pas moins un peu souffert. J'ai songé à le relever. Je n'ai perdu d'éclat, ma femme, que depuis un an, et rassurée par la naissance de mon fils Albert sur l'avenir de notre nom, l'idée d'un second mariage ne m'était pas venue encore. Mais avec l'occasion de regagner les bonnes grâces de l'empereur, se présente le parti le plus souhaitable, la fille d'un de vos vieux amis, mon père, la fille du duc de Schwalbach, qui est pour l'heure tout-puissante à Vienne. Est-ce d'Albine de Schwalbach que vous parlez, Maximilien ? Demanda la comtesse. « Oui, ma mère, elle est fille unique et apportera de grands biens dans notre maison. » « Ma sœur l'abbesse, » reprit la mère, « dans le couvent de laquelle Albine a été élevée et auprès de qui je m'informais de la fille d'un ami, m'a parlé de cette beauté sans égale. » Et, ajouta Maximilien, « elle a en Douaire le magnifique domaine de Winkel aux portes de Vienne. » Ma sœur ajoutait que la grâce d'Albine n'était que la parure de la plus charmante bonté. « Sans compter, poursuivit le jeune homme, que le duc de Schwalbach obtiendra aisément, n'est-ce pas, mon père, de transmettre à son gendre, après lui, son titre de duc et ses biens. Quel bonheur, dit la comtesse, de nommer cet enfant ma fille et de lui tenir lieu de la mère qu'elle a perdue. Et quel honneur de s'allier aux Schwalbach, dit Maximilien. Oui, dit le comte, les Schwalbach sont une des plus grandes et des meilleures branches de l'arbre germanique. Eh bien, mon père, ayez donc la bonté d'écrire à votre ancien compagnon d'armes et de lui demander sa fille pour votre fils. » À cette demande succéda un assez long silence. Le vieux comte avait laissé tomber sa tête sur sa poitrine et paraissait réfléchir profondément. « Et quoi, mon père, vous ne répondez pas ? Eh quoi, monseigneur, vous semblez hésiter ? Une telle union qui ajouterait tant à la splendeur de notre famille ne peut pas, ne doit pas vous déplaire. Maximilien, Maximilien, reprit sévèrement le comte Rodolphe, ne puis-je employer votre distinction que je ne reconnais point, et dire que, si le gentilhomme est en vous sans reproche, l'homme, hélas, a souvent failli. Maximilien, cette enfant sera-t-elle heureuse ? Elle sera comtesse d'Epstein, mon père. Il y eut un second silence. Certes, ces deux hommes ne se ressemblaient et ne se comprenaient guère, réunis qu'ils étaient, bien plutôt par les lois du monde que par les liens du sang. Le fils dédaignait le père pour ses préjugés, le père méprisait le fils pour ses déportements. « Faites attention, monseigneur, reprit Maximilien, que, l'occasion se présentant d'ajouter à l'éclat de notre nom, vous repoussez cette occasion, vous, le gardien de notre gloire, vous, responsable envers les nôtres, aussi bien de l'honneur à acquérir que des tâches à effacer. Votre père sait ce qu'il doit faire, monsieur, repartit le vieux comte, atteint au cœur. Partez pour Vienne. Vous y trouverez en arrivant une lettre de recommandation auprès du duc de Schwalbach. Je vais donc, s'il vous plaît, quitter le château sur l'heure, dit Maximilien. Une si noble héritière doit être bien entourée, et Dieu veuille que ma demande n'arrive pas trop tard. Faites à votre gré, mon fils, répondit le vieillard. Daignerez-vous, monseigneur, et vous, ma mère, donner votre bénédiction à celui qui s'en va? Soyez béni, mon fils, dit le comte. Maximilien, que Dieu vous conduise, dit la comtesse. Maximilien baisa la main de sa mère, fit un salut respectueux au comte et sortit. L'autre, dit le vieillard quand il fut seul avec la comtesse, l'autre, celui qui est parti le premier, n'a pas même osé vous la demander, votre bénédiction. Mais il l'a eu, n'est-ce pas, Gertrude? Il a eu la tienne et la mienne, et Dieu entend mieux encore le cœur qui se tait que les lèvres qui parlent.